et humain. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire ce livre? On a compris que l'enjeu est important. Bon, d'abord, ce fut pas seulement mon combat, ce fut le combat des juges d'instruction qui étaient, ils ont été formidables et très courageux pendant toute cette période. Qu'est-ce qui m'a donné, peut-être pas l'envie, mais l'obligation de sortir ce livre? Parce que, bon, par rapport à votre récit, qui est très intéressant, mais depuis 4 ans, il y a eu d'autres évolutions dans le dossier. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là, ouais. Justement, pour actualiser. On a tout fait, moi-même, comme les juges d'instruction, pour que les ministres qui ont joué un rôle absolument néfaste, extrêmement négatif et organisé dans cette affaire, en empêchant totalement pour que la vérité sorte, oui, d'accord, mais je préfère le préciser. Avec la complicité de certains magistrats de très haut niveau, il faut le dire parce que c'est très important. On est arrivé dans une situation qui ne seront pas poursuivis devant la Cour de justice de la République. Rien n'est définitif, mais pour l'instant, c'est comme ça, avec des décisions grotesques de certains magistrats. Dans ces conditions-là, je n'ai pas eu le choix que d'écrire ce livre-là. Pour que la vérité puisse ressortir. Et quand je dis la vérité, c'est pas ma vérité, c'est la vérité du dossier. Je n'exprime pas des opinions personnelles, je démontre absolument tout ce que je dis, et c'est d'une gravité extrême, selon moi. D'accord. Selon moi et selon le dossier. D'accord. Mais concernant les magistrats, vous dites d'un côté, il y a eu des magistrats courageux, et les d'autres, oui. Des magistrats qui n'ont pas été courageux, qui sont-ils? Ceux qui sont intervenus après. Disons que le parquet n'a strictement rien fait dans cette affaire-là. D'accord. Voilà. D'accord. Les juges du siège, d'instruction, ont fait leur boulot. Les juges d'instruction, ils ont fait leur boulot et puis parfaitement. Bien, d'après ce que vous dites. Parfaitement. Ça, c'est une chose. Sauf le dernier, et je lui tire mon chapeau, celui qui a pris les réquisitoires définitives. Mais qui a remplacé à la dernière seconde celui qui a empêché depuis le début que l'affaire puisse prospérer. Je cite Molins, qui est le plus haut magistrat du parquet maintenant en France, mais j'ai le courage de le dire publiquement, qui pendant cette période-là a tout fait pour en empêcher que les choses évoluent. C'est même pas question d'évolution, que les choses arrive à une conclusion judiciaire. Ah ouais. Voilà. C'est encore pire. Voilà. sauf le dernier magistrat, dont ses réquisitoires sont d'un courage exemplaire, je lui tire mon chapeau. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que ce magistrat de très haut niveau a été nommé à des postes essentiels dans cette affaire-là. D'abord, comme procureur de Paris, quand Alliot Marie, en tant que ministre de la Justice, a décidé de mettre fin au tribunal aux armées de Paris, qui faisait un boulot formidable, et qui se rapprochait beaucoup trop d'elle, dans le sens que quand elle a été interrogée, la juge d'instruction, très, très sincèrement, sur 40 pages, elle l'a, entre guillemets, massacrée. Bon. Carrément. Maintenant, tout simplement, comme tout ce tribunal n'existait pas, c'est passé au tribunal de grande instance de Paris, et qui a été nommé procureur de Paris, celui qui couvre un peu tout le parquet de Paris, c'était Molins. Bon, à partir de ce moment-là, c'était terminé. C'est verrouillé. Mystère public, verrouillé. Verrouillé. En face des juges d'instruction qui essaient de faire leur travail, et au milieu d'un avocat. En face de plein d'autres choses aussi. Mais bon, on oublie une chose, que tout simplement, Molins fut le chef de cabinet d'Alliot Marie. Bien, et puisque vous nous parlez d'une ministre, moi je vais vous parler d'un autre, Dominique de Villepin. Oui. D'accord. On va écouter une archive du 5 novembre 2016, c'est très court. D'accord. Vous pourrez le commenter après. Dominique de Villepin est sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, invité pour la promotion de son dernier livre Mémoire de paix pour temps de guerre, et l'écrivain Yann Moix l'interroge sur l'affaire Boisquet. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour appréhender les assassins des 9 militaires français? Je reprends la formulation de la question de Yann Moix. On va écouter la réponse de Dominique de Villepin. Monsieur Yann Moix, c'est très facile, dans le confort d'une agréable soirée à Paris, de refaire l'histoire. Et reprenons le fil de ce que vous venez de dire. J'ai moi-même, avec beaucoup de bonne volonté, écouté la juge qui m'a posé un certain nombre de questions. Je lui ai répondu ce que je savais, c'est-à-dire pas grand-chose, plus exactement rien. L'entretien a duré 2 heures. Un certain nombre d'années plus tard, sans que je n'ai jamais été convoqué, ni même informé, c'est pour ça que je trouve l'ensemble du processus un peu curieux, j'apprends ce que vous venez de dire. Je prends mon téléphone, j'ai passé 3 coups de fil. 3. Mon directeur de cabinet, est-ce que nous avons à l'époque été saisis ? Jamais entendu parler. Le directeur général de la police nationale, patron du STIP, le service qui est en charge des affaires intérieures, aucun souvenir. Mon conseiller diplomatique de l'époque, nous n'avons jamais traité. Personne ne s'est soucié de savoir qui venait bombarder les forces militaires françaises. Je suis ministre de l'Intérieur. C'est Michel Alliot-Marie, en fait. Je suis ministre de l'Intérieur. Vous étiez considéré comme le spécialiste de la région. Je n'ai pas l'habitude de me défausser que la ministre de l'Intérieur a eu à traiter ce dossier en liaison a eu à traiter ce dossier avec l'Élysée, président de la République, chef des armées, dossier difficile dans lequel il y a des composantes de droit, des composantes d'opportunité, des composantes d'information. Aujourd'hui, vous rassemblez tout ça et vous jetez... Non, pas du tout. Ce qui ressemble malgré tout, au-delà de l'interrogation, à une accusation. Alors, je précise que si Michel Alliot-Marie était ministre de la Défense à l'époque des faits, Dominique de Villepin était ministre de l'Intérieur, il l'a rappelé, et Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères, tout ça sous le règne, à la présidence, à l'Élysée de Jacques Chirac. Alors, que pensez-vous de ce que dit Dominique de Villepin quelques années après ? Guillaume Max ne connaissait rien du dossier. Il a eu quand même le courage de poser certaines questions. Villepin, avec son talent et son style habituel et son cynisme absolu, il a fait un petit caca nerveux, et bon, la discussion a été finie. Okay, tout ce qu'il dit, c'est totalement inexact, c'est totalement faux. C'est... Bon, s'il le reconnaît qu'il n'a servi à rien comme ministre de la République, ni comme Premier ministre, ni comme rien du tout pendant toute cette carrière, et qu'il était totalement inutile, bon, qu'il déclare ça publiquement, là, je le crois. Tant qu'il ne déclare pas ça, je ne crois pas une seconde ce qu'il dit, parce que c'est même pas comme Alliot-Marie qui ment. Lui, c'est dans le cynisme que j'ai jamais vu chez un homme politique. Peut-être maintenant, ça existe d'autres. Mais à l'époque, c'est quand même du grand art. Vous me disiez hors antenne, je suis avocat, je ne cherche pas forcément à attaquer l'État, je défends des victimes. Ouais, voilà. Mais pour défendre des victimes dans un événement dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, bah, on en vient forcément et mécaniquement à dire l'État n'a pas joué son rôle ou l'État a fauté. Selon vous, l'État a fauté par le silence de ses ministres, par le ministère public aussi, parquet? C'est différent. Pourquoi je n'attaque pas l'État ? Parce que je ne crois pas que l'État, en tant que lui-même... Bon, je me mêle pas trop de la politique. La politique de la France, elle est ce qu'elle est. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une autre chose, mais c'est pas mon but. Là, ce fut pas l'État. Dans le sens que l'Assemblée nationale a été complètement mise de côté pendant toute cette période, que le Premier ministre de l'époque, Raffarin, on l'entend même pas une seconde parler de ça, que l'armée a été totalement manipulée, ils se sont rendus compte par la suite, mais il a été totalement manipulé, et tout ça par une camarilla de gens qui avaient tout le pouvoir, et qui avaient tous les ministres régaliens. Je crois que même Chirac, je ne pense pas être à l'origine du bombardement, mais qu'il a été carrément dépassé par les événements et manipulé lui aussi. Donc, j'attaque pas l'État français. Ouais. J'attaque cette camarilla de gens au pouvoir, je sais pas si le terme il est bon, qui s'est transformé par la Suisse, ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, dans une chose encore plus grave, dans la mafia des gens bien nés, ça veut dire que des gens qui se connaissent depuis toujours. Qui ont des amitiés, des relations familiales, toutes sortes de choses qui sont, mais qui s'entraident entre eux totalement. Ouais. Et c'est pas du clompolotisme, je parle pas, c'est pas la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement des gens qui se connaissent entre eux, qui se doivent très souvent les carrières des uns au pouvoir des autres et... Solidarité de caste, quoi. Une solidarité terrible de caste, Mm-hmm. Et c'est pour ça que ce dossier n'a jamais abouti, parce qu'il aurait pu aboutir, parce que les juges d'instruction, surtout la dernière juge d'instruction, a demandé très officiellement que les ministres soient traduits devant la Cour de justice. Et tel n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Parce que je peux vous assurer que s'il n'y avait pas comment expliquer cette dichotomie dans la loi, qu'ils sont pas responsables du droit pénal normal, en droit pénal normal quand ils étaient en fonction. Et même après, parfois. Là. Et même après, très franchement, je peux vous l'assurer qu'il aurait été au banc des cours d'assises. Je sais pas sur quelle inculpation, mais sûrement il aurait été en tant que complice, je sais pas de quoi, mais sûrement de beaucoup de choses, devant la cour d'assises pendant le procès des lampistes, des assassins matériels, des tueurs à gages. Alors, puisque nous n'avons toujours pas la réponse à ces deux questions fondamentales, qui a bombardé Boisquet et pourquoi, donneur d'ordre, c'est ça qui nous intéresse, eh bien on en est réduit à des hypothèses, elles ne sont pas absurdes, je vais vous en proposer trois, oui. Que Thomas Hofnung, journaliste et chroniqueur sur le site Le Monde Afrique, avait repris. Hypothèse 1, une bavure de l'armée ivoirienne, les Sukhoi ivoiriens auraient lâché par erreur leurs bombes sur le camp français. Hypothèse 2, le coup de poker du camp Gbagbo, Gbagbo piégé par son propre camp et trompé par la réalité du terrain et la résistance des rebelles de Guillaume Soro. Hypothèse 3, un coup monté, piège tendu par les Français mais qui aurait mal tourné. Alors je sais qu'en tant qu'avocat, vous n'êtes pas là pour faire des pronostics, des hypothèses. Non mais je peux mais le faire, même, mais je peux même, le faire parce que j'ai un dossier pour moi. J'ai un dossier pour moi, c'est pas mon opinion personnelle. Ça date de quand cette hypothèse de Hofnung? Hofnung, elle est récente. Elle est récente. Non, parce que bon, j'ai discuté avec Hofnung à plusieurs reprises, je connais un peu ses positions. La première s'est éliminée directement, ce fut délibéré, tous les témoignages concordent, c'est pas qu'ils ont lâché. Donc bavure, bon, on élimine. Bon, non, ça, totalement. Deuxièmement, aurait pu se tenir à la rigueur, qu'il y a des gens de l'entourage de Gbagbo qui ont manipulé les choses. Dans ces conditions-là, Gbagbo n'avait qu'un seul intérêt. Et il aurait collaboré totalement avec les Français. Qui, contrairement à ce que dit Alio Marie, il savait pertinemment dès le début que Gbagbo n'y était pour rien. Tout le monde le savait. Et les généraux, et l'ambassadeur, et les ministres. Bon, alors que la déclaration d'Alio Marie au début de votre reportage, c'est encore un mensonge d'État en plus. Si c'était le cas, Gbagbo collaborait immédiatement. Il aurait mis à la disposition des Français n'importe qui. Bon, vous êtes sûr? Mille fois sûr. Bien. Mille fois sûr. Bon. Et c'est pas uniquement ça. Quand vous voyez tout le dossier, comment ils ont fait dès le début, parce que le procès aurait pu avoir lieu en 2005 et tout aurait été fini. Et on aurait su qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous voyez dès le début absolument tout, d'une manière organisée, orchestrée, ensemble, ils ont fait les ministres concernés, qui avaient tout le pouvoir de l'État à l'époque, plus ou moins, pour que l'affaire n'aboutisse pas, c'est pas pour protéger quelques lampistes. C'est pas pour protéger quelques lampistes. Alors, c'est pour protéger qui? Les ministres, l'armée, jusqu'au... Non, pas l'armée. Bon, l'armée, comme je vous dis, elle obéit au pouvoir civil. Elle obéit. Mais quand elles se sont rendues compte qu'ils ont été totalement manipulés, que ce fut... L'armée a été utilisée totalement pour je sais pas quoi. Franchement, si j'ai pu développer le dossier jusqu'à maintenant, c'est que l'armée en sous-main m'a beaucoup aidé. L'armée, des services d'enseignement, qui j'ai reçu beaucoup de pièces à mon cabinet qui pouvaient venir que de très haut niveau, que j'ai toujours transmis au juge d'instruction, évidemment, pour vérifier d'abord l'authenticité, pour vérifier si le secret défense peut être levé, etc., etc. Mais j'aurais jamais pu développer le dossier moi-même tout seul dans mon coin. Donc l'armée, très franchement, elle est jusqu'à maintenant traumatisée un peu par cette affaire-là. L'idée, c'est que ça ressort quand même dans le dossier. On voulait se débarrasser de Gbagbo. Ça, on le sait. Bon. On le sait, c'est prouvé dans le dossier, même par des notes adressées au président de la République. Bon, c'est pas ça le problème. On voulait se débarrasser peut-être par des élections. D'accord. C'était la théorie déjà en 2004. Maintenant, si quelqu'un a voulu sauter le pas, créer un incident qui aurait pu, et ce fut le cas au début, être un prétexte pour se débarrasser militairement de Gbagbo, eh ben, quelqu'un a sauté ce pas-là. Maintenant, qui exactement et comment, on ne peut pas le savoir, parce qu'on a tout fait pour en empêcher, pour qu'on le sache. J'ai mes propres idées, mais mes propres idées, ce ne sont pas des preuves. Ouais. Mais tout ce que j'apporte dans ce livre, c'est des preuves pratiquement absolues qu'on a voulu faire ça. Et ça pouvait venir que uniquement du plus haut niveau. Les ministres. Des ministres du plus haut niveau. Pas n'importe quel ministre. D'accord. Pas le ministre des Transports. Non, le ministère régalien, comme on dit. Voilà. Bon, sinon on n'aurait pas... Vous savez, 15 ans après, on parle très sérieusement maintenant de cette affaire-là. Ouais, okay, bon. La preuve. La preuve. Ils ont cru qu'ils peuvent se retirer comme une lettre à la poste. D'accord. S'il n'y avait pas de certains éléments dans le dossier m'ont mis la puce à l'oreille et que j'ai tiré le fil, ils s'en seraient sortis parfaitement bien avec. On va écouter une deuxième et dernière archive qui témoigne de l'opacité autour de cette affaire. En 2006, la première juge d'instruction, c'était Brigitte Reynaud. Hein, oui. Elle démissionne. Tant pis à sa conviction, diffusée sur France 3 en 2007, les journalistes parviennent à se procurer la lettre de démission qu'elle adresse à Michel Alliot-Marie. Oui. Vous allez entendre, c'est très clair. Il y a un an, Brigitte Reynaud a quitté ses fonctions au tribunal aux armées. Elle a adressé cette lettre au ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Une lettre polie, mais on ne peut plus claire. Elle fait part de ses regrets concernant l'attaque de Bouaké. Elle note « Aucun concours spontané ne m'a été donné par les services qui dépendent de votre autorité. » Puis elle conclut « Aucun renseignement ne m'a été fourni sur les raisons pour lesquelles les mercenaires et leurs complices, identifiés comme auteurs de ce crime, avaient été libérés sur instruction ou avec le consentement. » des autorités françaises. Oui, ça renvoie à ce que vous disiez. Ça renvoie à ce que je disais, et je rajoute maintenant... Mais oui, allez-y. Je rajoute, parce que c'est très important, comme j'ai quand même dit des bonnes choses sur le procureur de Paris, le nouveau qui a sorti ça, il dit très clairement les mêmes choses dans son réquisitoire, ouais. En disant que l'État n'a strictement rien fait pour aider les victimes. Ouais. Il le dit très clairement, et c'est un procureur. Une dernière chose, vous faites un mea culpa dans votre livre, page 280, vous pouvez nous expliquer, mais alors en 45 secondes. En 45 secondes, c'est très simple, à la fin, je sors un document que je n'avais pas vu pendant 15 ans. Quand j'ai écrit le livre, j'ai repris un peu tous les papiers pour ne pas faire des erreurs, etc. Et j'ai découvert ce papier-là qui démontre totalement qu'il voulait se débarrasser de Gbagbo, avant le bombardement, même avant le bombardement des rebelles. Bon, c'est pour ça que je dis mea culpa, parce que je n'ai pas vu ça avant. Bon, vous l'avez vu après, et vous avez le temps de le mettre dans votre livre, c'est le principal. Merci beaucoup. Jean Balland, donc, crime sans châtiment, l'affaire Bouaké, avec ce sous-titre important, les sous-titres sont souvent importants, l'un des plus grands scandales de la Ve République, hein, c'est écrit noir sur blanc sur la première de couverture de votre livre, Jean Balland. Merci encore pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le bombardement de Bouaké, l'impossible vérité, point d'interrogation, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission à la technique aujourd'hui. Je m'en remercie, Lévé Clément Berman.